L'excès n'est pas que dans la forme, la drogue ou le ton. L'excès, c'est la limite franchie par la vie quand elle sort de la mesure illusoire qu'on aime à lui prêter. L'excès comme toile de fond dionysiaque et violente derrière le voile pudique que l'on recouvre pour mieux tenir bon. L'excès comme l'existence qui choque et que le peintre Francis Bacon essaie de reproduire sur la toile. Je fais la peinture pour espérer de me choquer. On espère de se choquer, mais c'est pas souvent. C'est le tango des bouchers de la Villette. C'est le tango des tueurs des abattoirs. Venez cueillir la fraise et l'amourette et boire du sang avant qu'il soit tout noir. Faut que ça saigne, faut que les gens aient à bouffer, faut que les gros puissent se goinfrer, faut que les petits puissent engraisser. Faut que ça saigne, faut que les mandataires au hall puissent s'enfourrer plein la dalle du filet à 800 balles. Faut que ça saigne, faut que les peaux se fassent tanner, que les pieds se fassent paner, que les têtes aillent mariner. Faut que ça saigne, faut avaler de la barbac pour être bien gras quand on claque et nourrir des vers comme hack. Faut que ça saigne bien fort, c'est le tango. Bonjour Yves Perret. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. C'est avec vous que nous continuons cette série sur l'excès. On a parlé des drogues et de la littérature, de Françoise Sagan hier. On parlera de la démesure, de l'hubris dans l'Antiquité demain. Aujourd'hui, Francis Bacon, le peintre, non pas le philosophe, auquel vous avez consacré un ouvrage, Francis Bacon, ou la mesure de l'excès. C'est donc que selon vous, le terme d'excès s'applique particulièrement au travail du peintre. Ah oui, il s'applique d'abord à son œuvre. Il s'applique aussi à sa vie. Et il s'applique certainement tout autant aux manières de l'œuvre. Parce que l'excès dans l'œuvre, c'est souvent par la figure ou par la figuration de la figure qu'on le voit. Mais il y a aussi un excès dans la façon de conduire une œuvre vers elle-même. Par exemple, d'aller trop loin, de brusquer les choses, de brusquer l'attendu, même l'attendu pour soi-même. Et Bacon était très fort à ce sujet. Il poussait ses tableaux très loin, et donc il y a là un excès dans les manières aussi. Conduire son œuvre vers elle-même, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire, je pense qu'avant de faire un tableau, malgré l'esquisse vague que Bacon traçait, vague et faite grossièrement, sur le tableau, sur la toile, Bacon ne savait pas trop où il allait. Bacon ne savait pas. Il était face à une énigme à venir, un mystère qu'il devait cerner. Et au fond, conduire l'œuvre vers elle-même, ou à elle-même, c'est trouver ce mystère, c'est être face à lui définitivement. Et le problème de Bacon était souvent que, ayant trouvé le mystère, il voulait aller encore plus loin, et parfois il le gâtait son œuvre, il pouvait détruire un chef-d'œuvre en allant trop loin, en étant... C'est en ce sens que l'excès, à ce moment-là, était négatif. Avant, il était positif, quand il le conduisait vers le mystère, et quand il voulait le dépasser, il devenait négatif. Vous avez, Yves Perret, vous êtes écrivain, poète, essayiste, vous avez écrit de nombreux essais, notamment sur Michel Léris, sur Marcel Duchamp, sur l'art et la nature, l'horizon du sublime notamment. Et vous avez écrit, c'est votre deuxième ouvrage sur Francis Bacon, mais vous ne vous êtes pas simplement intéressé à son œuvre en tant qu'intellectuel, vous l'avez connu également. Oui, nous nous sommes très bien connus par le biais de Michel Léris au début. Et après, les relations se sont faites. Bacon était un homme délicieux pour les gens qui l'appréciaient. C'était quelqu'un de très raffiné, de très attentif, de très généreux aussi, toutes ces choses. Et c'était un véritable ami, et ça se passait très simplement. Quand il venait à Paris, il m'envoyait un mot et me donnait le téléphone de l'hôtel où il serait. Parce que même s'il y avait un appartement, il préférait loger à l'hôtel. Et à ce moment-là, moi, je l'appelais. Et nous dînions, nous déjeunions, ou nous allions... Enfin, souvent, nous faisions cela, et aussi quelques cafés, comme ça. Puis il y avait d'autres occasions un peu plus... très nettement différentes, qui pouvaient être les grandes inaugurations d'expositions de Bacon, auxquelles j'allais, évidemment, et après, il y avait toujours une espèce de petite fête, et où Bacon était à la fois submergé, mais au cœur de l'engouement qu'il suscitait. Il était tout à fait disponible pour ses amis. Vous en parlez comme d'un homme très modéré. Comme si l'excès était uniquement du côté de ses œuvres, parce que lorsqu'on regarde ses tableaux, et on va s'arrêter sur plusieurs toiles en particulier, on voit des bouches ouvertes qui hurlent, des crucifixions, de la chair sanguinolente. On a ouvert cette émission avec Boris Vian, les joyeux bouchers. Il y a cette espèce de carnage et de choc qui correspond assez bien à l'œuvre de Francis Bacon, visiblement pas trop à l'homme. Si, en partie. C'est-à-dire que Bacon était certainement différent avec tous les hommes. Et il pouvait être cet homme généreux, délicieux que j'ai dit, raffiné, très raffiné, aux discussions sur la littérature, sur la philosophie, sur l'art, était très poussé. Mais il y avait aussi chez lui des colères qui n'étaient pas tournées vers autrui, mais très souvent vers lui-même. Et ces colères, qui étaient quelque chose d'un, qui est une sorte de pulsion excessive qui se donnait, il s'en défaisait, il s'en déchargeait par une sorte de discours qu'il prononçait devant un ami, par exemple, et au bout d'un moment où il s'était déchargé par la voix orale de tout ce qui était en lui, il redevenait calme. Mais il avait eu une bouffée de haine vis-à-vis de lui-même, ça se sentait très bien. Ça veut dire qu'il était à l'égard de lui-même un bourreau? Certainement, ça c'est indiscutable. Ce qui nous conduit à un premier son qu'on peut écouter ensemble, Yves Perret, qui porte exactement ce nom-là, le bourreau de soi-même. Oui. C'est un poème de Baudelaire, « Eoton timorum enos ». Le voici, lu par Daniel Mesguich. Je te frapperai sans colère et sans haine, comme un boucher, comme Moïse le rocher. Et je ferai de ta paupière, pour abreuver mon Sahara, jaillir les eaux de la souffrance, mon désir gonflé d'espérance, sur tes pleurs salés nagera comme un vaisseau qui prend le large. Et dans mon cœur qu'ils souleront, tes chers sanglots retentiront comme un tambour qui bat la charge. Ne suis-je pas un faux accord dans la divine symphonie, grâce à la vorace ironie qui me secoue et qui me mord? Elle est dans ma voix, la criarde, c'est tout mon sang, ce poison noir. Je suis le sinistre miroir où la mégère se regarde. Je suis la plaie et le couteau, je suis le soufflet et la joue, je suis les membres et la roue, et la victime et le bourreau. Je suis de mon cœur le vampire, un de ces grands abandonnés, au rire éternel condamnés, et qui ne peuvent plus sourire. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, nous parlons du peintre Francis Bacon ce matin. Et nous vous venez d'entendre un poème de Baudelaire, interprété par Daniel Mesguich. Eoton timorum enos, c'est pas simplement un défi à la radio de prononcer ce terme du traite Yves Perret, c'est surtout le terme grec qui est emprunté au dramaturge Terence, qu'il avait utilisé pour décrire les violences qu'un père s'inflige à lui-même pour avoir été méchant avec son fils. C'est vraiment la haine que l'on reporte contre soi-même, le couteau que l'on plante dans sa propre chair. Ce poème de Baudelaire fait beaucoup penser à l'univers de Bacon, c'est évident. Il y a une proximité saisissante même entre les deux. C'est d'autant mieux que Bacon, plus largement, admirait Baudelaire, qui lui faisait un peu peur. Il avait tellement d'admiration pour Baudelaire, pour son intelligence, pour sa finesse, qu'il en était parfois un peu craintif devant Baudelaire. Mais il l'aimait beaucoup. Et c'est vrai qu'il y a chez Bacon quelque chose, au fond, dans son sadomasochisme, souvent, il y a quelque chose de cet ordre, quelque chose. Le bourreau, c'est lui. Il utilise parfois l'autre pour être le bourreau contre lui dans sa vie nocturne. Mais dans ses peintures, on le voit aussi. On le voit à travers certains tableaux très fortement. Le thème de Baudelaire, oui, le thème de Baudelaire, la cruauté envers soi-même, quitte à utiliser quelque arme que ce soit, du reste. À quelle toile pensez-vous ? Oh, je pense par exemple à toutes ces toiles, il y en a deux ou trois, mais une est plus belle que les autres, celle de 1953, qui s'appelle « Deux figures » tout simplement, et qui est prise à une photo célèbre de Muybridge, les lutteurs, et à trois reprises dans son œuvre, Bacon fera trois chefs-d'œuvre qui sont sur les lutteurs de Muybridge. Mais les lutteurs de Muybridge deviennent chez Bacon des hommes qui copulent, et donc avec une espèce de violence inimaginable. Et par ailleurs, ces œuvres-là sont toutes cernées par une douceur, une tendresse inouïe des couleurs, des touches, des tons, Et c'est au fond une sorte de compensation entre la scène qui est extrême et son environnement qui est un entourage ou une mandorle de paix, de beauté, de raffinement. Alors on peut essayer de les décrire, hein, parce que nous sommes à la radio et tout le monde n'a pas forcément ces toiles sous les yeux. Deux figures, puisque vous avez commencé avec celle-ci, 1953. On voit deux corps, l'un est assis allongé sur l'autre, en tout cas il semble le maintenir de manière très serrée sur le lit. Les deux corps sont quasiment flous, leurs visages sont flous, et si l'on regarde d'un peu plus près, on voit que ce flou vient de sorte de rayures, comme si un objet, quelque chose, avait tenté d'effacer la toile sur le dessus pour rendre la représentation un peu plus abstraite, un peu moins saisissable. Et l'on voit à l'arrière-fond est noir, le lit est blanc, et apparaît aussi en filigrane, là aussi il faut regarder très précisément, une sorte de parallépipède qu'on retrouve souvent dans les œuvres de Bacon et qui semble venir structurer l'espace. Alors, cette œuvre dit tout, à la fois le réalisme, la réalité, mais cette réalité prise dans son ellipse, ça c'est pour ça. Qui plus est, il y a des voiles de couleur violet qui s'apposent sur les visages, le visage qui crie, qui hurle en dessous, l'autre qui se dissimule au-dessus. Quant à la structure géométrique, c'est une sorte d'encagement qui, chez Bacon, marque la limite, si vous voulez, de la scène, et très souvent, comme si on était dans un théâtre improbable, comme si on était dans un sacrifice qui est en train de s'accomplir, on est dans un espace sacré et où la géométrie a son rôle. De même que les rayures très fines du fond et le côté courbe du bas qui renvoie à la chambre d'enfance et à tous les rêves de théâtre, de cirque que Bacon aimait tant, tout ça, c'est la scène est toujours circulaire chez Bacon, pratiquement. Et ce tableau est très important en ce sens qu'il exprime que le plaisir le plus grand se fait dans ce meurtre possible qui est suggéré, en fait. On sent et on voit immédiatement la proximité, voire le caractère indissociable, de la violence et du désir sur cette toile. De la violence, du désir et de la douceur. Vous voyez de la douceur sur cette toile ? Par exemple, tout ce qui est drap, tout ce qui est touche de couleur, tout ça est d'une chose qui apaise, qui vient contredire le mouvement même. Sinon, on serait dans une figuration qui déplairait beaucoup à Bacon. On est dans quelque chose qui est plus complexe. Bacon est toujours fait de tension, de force très contradictoire. Par exemple, il ne veut rien dire, mais il avoue. Alors, c'est toujours ça, Bacon. C'est que des tensions de ce type. Et on la voit ici parce que là, il avoue tout. C'est lui-même et son amant, à l'époque. Hein, c'est Peter Lassie, même pour ne pas le nommer. Et en même temps, il y a quelque chose qui surpasse tout cela. On est dans un grand théâtre. On est dans un grand théâtre. Et on est dans une scène, au fond, familière et même intime, qui se livre. C'est un aveu de soi-même, aussi profond qu'un autoportrait, au fond. Vous avez dit, il ne veut pas tomber dans la figuration, et en effet, c'est un des objectifs assumés de Bacon, de ne pas être dans l'art figuratif. Mais comment dépasser la figuration sans tomber dans l'abstraction ? C'est un des défis qu'il se donne. Oui. Il connaissait bien les pièges de l'abstraction, puisqu'il avait été un décorateur hors pair pendant 3 années, puis il avait trouvé ça trop facile et il n'avait plus voulu être ce créateur de meubles et de paravents, de tapis qu'il avait été, parce qu'il était excellent dans ce domaine. Il s'en était détaché dès 33, hein, donc c'est très tôt. Et après, il est venu à la peinture et il n'a pas voulu succomber à ce qui était ce qui le fascinait tant dans la décoration, c'est-à-dire l'abstraction, en somme. Donc, il a lutté contre cette abstraction. Il est devenu un peintre résolument figuratif, mais il voulait être ni illustratif, ni narratif. Et donc, il prétendait, et on le comprend, narratif, il ne voulait pas l'être parce qu'il voulait fixer l'instant. L'instant, c'est pas la narration, c'est le suspens des choses, sur un acte unique. Ça, c'est une chose. Et quant à l'illustration, il ne voulait pas, même quand il a dédié certaines œuvres à des grands artistes ou à des grands écrivains comme T.S. Eliot ou autres, il n'est pas dans l'illustration. Loin s'en faut. Il est dans une interprétation extraordinairement elliptique de ce qui est leur aventure à eux et qui est la sienne surtout. Est-ce qu'il met au point ou est-ce qu'il invente un terme pour qualifier son propre travail ? Pas abstraction, pas figuration, là c'est que négatif. Non, il disait toujours, il y avait des mots qu'il n'aimait pas, bien sûr, mais il refusait des choses et lui disait, je suis un peintre figuratif. Mais ceci dit, il dit figuratif. Oui, il veut pas être dans la figuration, mais il se dit être un peintre figuratif. Oui, c'est ça. Il était un peintre, oui, réaliste. Le mot qu'il aimait le mieux, c'est le réalisme. Mais est-ce que Bacon est réaliste? Ça, lui le disait, je ne suis pas sûr que ce soit vrai. Ce qui est sûr, c'est qu'il se définit, et il définit le travail du peintre qui est le sien après l'invention de la photographie. Et pour lui, cela change tout, y compris et surtout le rapport au réalisme. Je vous propose qu'on l'écoute. C'était en 1987 sur France Culture, déjà, l'émission Les Arts et les Gens. Depuis la photographie, la peinture a dans un sens changé, dans une façon très radicale. Maintenant, pour faire... C'est ce qu'on appelle le réalisme. Il faut déformer les images parce que nous sommes maintenant abrutis par les images, par tout ce qu'on voit sur les affiches, sur le cinéma, sur la télévision. On est abrutis par toutes ces images. Alors il faut faire une image qui vraiment vous... On peut employer le mot choc dans un sens. C'est pas pour choquer, mais simplement pour ouvrir les routes par lesquelles c'est ce qu'on appelle le réalisme peut passer. Hors contexte, cet archive pourrait être mal interprété, Yves Perret, parce qu'on peut y entendre que devant l'abrutissement des images, il faut provoquer une sorte de surenchère et une image et proposer une image tellement violente qu'elle puisse attirer notre attention malgré le flot d'images. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut l'entendre? Non, il ne faut pas l'entendre comme ça. Parce que violence, il y a dans le travail de Bacon, c'est indéniable. C'est ça. Et ce qui lui plaît surtout, au fond, c'est cette torsion qu'il fait subir aux images, aux figures. Lui-même est fasciné par la photo. Lui-même s'appuie sur la photo, celle de Muybridge, mais la photo de tout le monde. Il ne fait que à partir de photos. Il aime beaucoup les photos, il adore les photos. Et en même temps, il s'en méfie, il les tourne en toute autre chose. Quand il prend le corps magnifique d'Henrietta Moraes, qu'il a fait demander de cliché à son ami John Deakin, il brusque. Cet ami qu'il aime tant, il la brusque et de sa beauté, il tire des torsions terribles. Il y a quelque chose comme ça. Même les êtres qu'il aime le mieux, il leur inflige ce travail de... Alors lui dit choc. Il a raison, c'est un choc, mais c'est surtout une surprise. C'est une surprise. Il faut faire surgir dans l'univers quotidien quelque chose qui est inattendu. Et c'est ça l'idée de Bacon. Enfin, c'est pas son idée, c'est sa pratique même. C'est plus que son idée, c'est sa pratique. Et là, à ce moment-là, il tord les visages, il brutalise les corps. Et c'est en ce sens qu'il est réaliste et qu'il échappe à tout réalisme. Et c'est aussi autre chose qui joue, c'est qu'il est dans une ellipse du fait pour atteindre la brutalité du fait. Il est dans une ellipse, parce que plus on est dans l'ellipse, plus on est dans la force qui se dégage. Alors, il n'est pas du tout abstrait, mais il n'est pas non plus un figuratif simple. Il est quelqu'un qui tord la réalité pour la redécouvrir dans sa nudité, dans sa profondeur, dans son excès. Il faut peut-être préciser ce qu'on entend par réalisme, parce que si son travail ne vise pas l'exactitude de la reproduction photographique... Il aspire en revanche à atteindre la perfection d'un sentiment, de quelque chose qui se situe en amont de ce qu'on peut voir. Au fond, il est très réaliste par la représentation qu'il propose de la colère, de la violence, de la haine. Oui, du sacrifice, de la crucifixion, même toutes ces choses qui le hantent. C'est pas la réalité visible, en fait, qu'il veut reproduire. C'est une réalité pulsionnelle. Non, ce n'est pas la réalité visible. La réalité visible, elle a une importance. Elle peut être un point de départ, comme serait la photographie. Ce qui est tenté, ce qui est voulu par Bacon, c'est une réalité qui tremble, qui est au-delà d'une perception trop immédiate et qui n'advient qu'à mesure, au prix, au fond d'une œuvre, au prix de faire un tableau qui se fait finalement violemment, difficilement, pas si longtemps, 10 jours peut-être, tous les matins, une dizaine de jours, 11 jours, 12 jours. C'est très rapide. Et tous les matins, très tôt, jusqu'à midi, il peint. De manière très régulière, lorsqu'il fait des tableaux. Et à ce moment-là, en disons une petite quinzaine de jours, il a bâti un très grand tableau. L'érotisme en son ensemble est infraction à la règle des interdits. C'est une activité humaine. Mais encore qu'il commence ou finit l'animal, l'animalité n'en est pas moins le fondement. De ce fondement, l'humanité se détourne avec horreur. Mais en même temps, elle le maintient. L'animalité est même si bien maintenue dans l'érotisme que le terme d'animalité ou de bestialité ne cesse pas de lui être lié. C'est abusivement que la transgression de l'interdit a pris le sens de retour à la nature dont l'animal est l'expression. Toujours associée à l'érotisme, la sexualité physique est à l'érotisme ce qu'est à la pensée le cerveau. France Culture, les chemins de la philosophie. Adèle Van Rett. Ce qui est formidable quand on regarde les tableaux de Bacon et encore plus quand on essaye d'y réfléchir ensemble, Yves Perret, c'est que de nombreuses références littéraires, philosophiques, intellectuelles, eh bien, frappent l'esprit juste en regardant ces tableaux, et notamment Georges Bataille, qui est l'auteur de l'érotisme, dont je viens de lire un texte, qui semble, là encore, comme Baudelaire dans le texte qu'on a entendu précédemment, décrire en tout point ce que l'on a devant les yeux quand on regarde une toile de Bacon. Tout à fait. Du reste, Bacon admirait beaucoup Bataille, hein, ça c'est sûr, il l'admirait beaucoup. Moi-même, un jour, lorsque j'ai fait un hommage à Bataille, un peu plus un inédit, j'ai mis quelques peintres, c'est-à-dire trois hommes qui avaient été ses amis, Fautrier, Giacometti et Masson, et j'ai ajouté Bacon. Et ça a fait très très plaisir à Bacon, qui était très heureux du choix des deux peintures que j'avais retenues. Mais pour en revenir à l'érotisme tel que le définit Bataille, il correspond à des choses étranges chez Bacon, notamment l'animalité. L'animalité chez Bacon, lui qui adore les singes qui sont si beaux dans sa peinture, qui sont des merveilles, mais tous les animaux, pour Bacon, sont des figures de l'homme. C'est l'homme qui domine. L'homme attire l'animal, le pape et le singe, c'est la même chose, le paysage devient humain. Tout est l'homme, mais cet homme qui est hors mesure, qui n'est pas un homme au sens où on l'entend dans les salons, qui est plutôt quelqu'un qui est un homme farouche, un homme violent. Bacon pensait que la vie était violente, que la vie sociale était d'une extrême violence. Plus violente même, disait-il, que son œuvre. Mon œuvre n'est pas grand-chose à côté de la vie réelle. La vie réelle, elle, est violente. Moi, je suis que moyennement violent. Mais c'était vrai. C'était vrai, mais il n'en reste pas moins que chez lui, que ce soit ses papes, que ce soit ses crucifixions, tout est érotique et plus qu'érotique, beaucoup plus qu'érotique. Une part de l'œuvre de Bacon peut être considérée comme très érotique, mais en même temps, elle est toujours au-delà de cela, comme tout chez Bacon est au-delà. Qu'est-ce qui est au-delà de l'érotisme ? Parce que, par exemple, ce qui est très intéressant, c'est que chez Bacon, même les hommes qui sont ensemble, ou la figuration de la blessure, de la meurtrissure, tout ça, qui est très érotique en un sens, très, très torture en un autre, dépasse là pour arriver à un fond qui est celui de l'humanité profonde, ce que Bataille dit du reste de l'érotisme. Ce que Bataille dit de l'érotisme. C'est-à-dire qu'on arrive là au comble de l'humanité, au comble de l'humain. L'humain n'est jamais aussi vrai que là. Et de même que Bacon, qui est un homme qui pense très fort, qui réfléchit très bien, qui parle très bien aussi, privilégie surtout un court-circuit, dit-il souvent, pour que la pulsion monte directement au cerveau sans aucun intermédiaire. Et là, on est au fond, dans cette puissance, dans cette puissance des choses qui, au fond, dépasse même toute qualification. Et c'est pour ça que même l'érotisme, qui est parfaitement juste en un sens, est dépassé par cette force extrêmement violente. Beaucoup de choses sont comme ça, sans parler même de l'érotisme. Les tableaux d'hommage à Van Gogh, par exemple, qui sont un immense hommage, proviennent au fond d'un fait très précis. Il y a un petit tableau, une pochade, disait Van Gogh lui-même, que Van Gogh avait fait, le peintre, sur la route de Tarascon, son propre autoportrait. Il se trouve que ce n'est pas le plus Van Gogh de tous les Van Gogh, mais pendant la guerre, les nazis l'ont brûlé. On brûle le tableau d'un homme dégénéré. Donc, on brûle un tableau de Van Gogh. Bacon, lui, s'empare de souvenirs, regarde ce petit tableautin, il en tire d'immenses tableaux, beaucoup plus Van Gogh que Van Gogh, sur ce tableau-là, en tout cas, d'une véhémence expressionniste sans pareil, et au fond, le pied plus grand que le corps, enfin le pied qui traîne dans la matière de la peinture, de cet homme qui est harnaché de ses chevalets, de tout son matériel de peintre. Et Bacon, dans ce paysage de Provence, où il imagine évidemment justement la route de Tarascon, c'est juste, fait un Van Gogh plus vrai que nature. C'est-à-dire que Bacon, et c'est ça aussi où il est proche de l'excès en tout, il va toujours au-delà. Et au fond, il atteint dans ses hommages à Van Gogh, cette série de magnifiques peintures, il va bien au-delà de ce petit prétexte, de cette pochade, comme disait justement, à très juste titre, Van Gogh lui-même, il va au plus près des plus forts et des plus violents tableaux de Van Gogh. Oui. Et on l'a comparé, alors il y a Van Gogh, il y a Picasso, beaucoup de noms sont venus pour essayer de qualifier son travail, mais Bacon essaye toujours d'aller, et c'est là, ça se rejoint ce que vous dites, presque au-delà, et peut-être de saisir ce qu'il y a de plus destructible même dans les œuvres de ses contemporains ou de ceux qu'il admire. Oui, par exemple, c'est vrai qu'il admirait particulièrement Velázquez, il admirait particulièrement Goya, il admirait particulièrement Degas, par exemple. C'était des gens qu'il portait strictement au nu, comme Manet. C'était les gens qu'il aimait le plus. Mais à chaque fois, il s'empare de choses pour les suspendre, pour les déformer, pour les pousser, pour les torturer, même, au besoin. Et donc, les hommages à Degas sont très singuliers. Les hommages à Velázquez sont dans l'oubli du tableau primitif, qu'il ne voit jamais. Il ne regarde que des images en noir et blanc de ce tableau. Et il imagine le tableau plus qu'il ne le voit. Il ne l'a jamais vu à Rome. Il le fuyait, il n'y allait pas le voir. Donc, il y a là quelque chose de très intéressant. Et c'est, pour parler comme Nietzsche, c'est dans l'oubli en mouvement, qu'il retrouve la justesse. Ça, c'est tout Bacon. C'est ça Bacon, la mesure de l'excès qui donne le titre à votre livre ? Ça peut être ça. Oui, la mesure de l'excès. Pour moi, la mesure d'excès, c'est un double titre. C'est la mesure de l'excès, c'est-à-dire on peut prendre la mesure de l'excès et aussi on peut pondérer l'excès. C'est ce que je pense pour les fonds de Bacon qui pondèrent toujours, ou presque tout le temps, par leur beauté. On ne lui aurait pas dit de son vivant, mais son côté brillantissime décorateur trouve là tout son sens. Mais beaucoup plus que ça, il est quelqu'un qui caresse les fonds de ses peintures. Alors on va continuer à descendre dans les entrailles qui sont dépeintes par Bacon dans ce tableau. On est encore qu'au début de la description de cette violence. D'abord on va l'entendre lui-même parler de son rapport à la mort, et puis ensuite un très court texte de Nietzsche dans lequel semble s'inscrire Bacon, justement dans cet équilibre à trouver entre la mesure et la démesure, entre l'apollinien et le dionysiaque. Je sais que je vais mourir, mais j'ai peur, j'espère toujours me suicider. Vous savez, parce que quand je peux plus peindre, ou quand je peux plus marcher, voilà, j'espère toujours de me suicider. Mais je sais pas si j'aurai le courage de le faire. Parce que c'est pas un courage religieux que je, mais c'est simplement le courage pour le moment. Si j'essaie de me suicider, je pense que peut-être on trouve un moment où on voudrait retirer. Et on peut pas, mais il y a des pilules maintenant qui sont super, on peut les acheter en Allemagne, je crois, ou partout. Mais les pilules cyanures. Mais alors ça, c'est très vite. Et on peut pas changer d'idée. L'excès comme remède. On peut reprendre goût à ses propres talents en vénérant à l'excès, pour en jouir, les talents contraires. Employer l'excès comme remède, c'est là un des coups de maître dans l'art de vivre. Apollon, en tant que divinité éthique, exige des siens la mesure, et pour qu'ils puissent s'y maintenir, la connaissance de soi. C'est ainsi qu'à la nécessité esthétique de la beauté s'adjoint l'exigence du « connais-toi toi-même » et du « rien de trop ». Tandis que l'excès d'orgueil et la démesure sont considérés comme les démons spécifiquement hostiles de la sphère non-apollinienne. C'est dans ces effets que le dionysiaque apparaît aux Grecs apolliniens comme titanesque ou barbare. Bien plus, il est même obligé de sentir que son existence entière, avec toute sa beauté et sa mesure, repose en fait sur un arrière-fond voilé de souffrance et de connaissance que le dionysiaque lui fait redécouvrir. Et voici qu'Apollon ne peut vivre sans Dionysos. Nietzsche, lu par Daniel Mesguich sur France Culture, le chemin de la philosophie, pour éclairer le travail du peintre Francis Bacon, aujourd'hui en compagnie d'Yves Perret. Et voici qu'Apollon ne peut vivre sans Dionysos, cette affirmation de Nietzsche que l'on trouve dans La naissance de la tragédie, là encore s'applique à Bacon, qui, si on estime qu'Apollon serait le sens de la mesure et de l'apparence qui viendrait canaliser ou faire rempart à Dionysos, le chaos violent qui se trouve derrière, peut-être même à l'origine, alors c'est exactement le rapport qu'a Bacon à la peinture, Yves Perret. Oui, tout à fait. Autant les scènes, les personnages, les figures, comme il dit lui-même, ce qui est beaucoup plus juste, sont dionysiaques, on peut le dire, la plupart du temps, pas toujours, mais même les moins sont déjà heurtés par la possibilité du dionysiaque. Autant tout ce qui les entoure, tout ce qui les enferme, tout ce qui les reçoit comme un écrin, est un écrin de lumière, de douceur, et qui est très contraire. Et donc, il y a un violent heurt entre, j'aime pas dire entre la figure et le fond, mais c'est un peu ça quand même, pour reprendre des termes hyper traditionnels, c'est un peu ça. Et on le voit en tout. Et il faut savoir une chose, c'est qu'il y a une grande révolution dans la vie de Bacon, en 1962. Jusqu'alors, Bacon peint dans ses admirables tableaux, par exemple les têtes, les papes. Jusque-là, Bacon peint d'abord le fond et il en fait surgir la figure. Entre 50 et 61, il subit une crise terrible, une crise dont il ne sort que difficilement. Il y peint dans ces trois années que 4-5 tableaux magnifiques et il a beaucoup de mal à se renouveler alors qu'il sort d'époques extraordinaires. Il a beaucoup de mal à se renouveler. Alors à ce moment-là, il lui vient une idée. Il peint la figure en premier et le fond est ajouté ensuite. Et au fond, aux touches qui caractérisaient le fond de la première époque, correspond les aplats dans la deuxième époque, puisque ce n'est pas la même chose. Enfin, évidemment, pour dégager la figure du fond, il fallait faire procéder par touches. Et maintenant qu'elle n'est qu'un cercle, que j'appelle une mandorle, j'ai fait ça tout à l'heure, bon, il y a là quelque chose qui est étonnant. Mais dans les deux cas, il y a la même contradiction qui perdure par-delà la mutation. C'est très intéressant. Et il y a justement toujours le dionysiaque qui s'oppose à l'apollinien ou l'apollinien qui vient renforcer par sa légèreté de lumière le dionysiaque qui vibre et qui frémit de manière presque inquiétante. Prenons un autre exemple, les trois études pour la crucifixion qui appartiennent justement à la période qui suit celle que vous venez d'écrire. C'est 62, le temps des triptyques, qui va être la période la plus fastueuse de l'artiste, qui va s'étaler de 1962 à 1974. On trouve, alors le titre est assez parlant, « Trois études pour la crucifixion ». On a là quelque chose, alors autant le tableau qu'on décrivait avant, les deux figures, on voyait une violence entre les corps, un cri qui semblait défigurer un visage pourtant flou. Là, il y a une netteté de ce qui est représenté. On pourrait presque parler de gore à l'égard de l'une de ces toiles, où on voit vraiment une espèce de corps ou ce qu'il en reste fracassé avec du sang qui a explosé sur ce qui semble être une tête d'oreiller. Tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire que là, on est face à la torture, au sacrifice, à la démesure de l'interrogation du corps, de manière, on peut dire que cette crucifixion livre là une chose qu'on va retrouver un peu plus tard, en 65, dans la deuxième crucifixion. Parce qu'il y a deux crucifixions qui se succèdent. Il y a trois études pour une crucifixion de 62 et crucifixion de 65. Elles sont chacune précédées par une étude de pape, qui semble à chaque fois une sorte de Ponce-Pilate par rapport à cette crucifixion. Et dans la scène de 65, c'est encore pire, l'interrogé au centre, mais sur le côté, notamment sur le panneau latéral droit, on voit un homme titubé, lui-même sanguinolent et titubant, avec un brassard nazi. Alors, il y a chez Bacon le souvenir de la violence réelle qu'il regardait dans les livres et dans les journaux, et des pulsions intérieures qu'il animait, des craintes, des épouvantes qu'il avait. Et c'est ce qui donne ces tableaux, avec au fond à chaque fois des rouges et des noirs magnifiques qui sont eux au fond comme des Rothko en fait, en quelque façon. Si on chahutait Bacon, on pourrait lui dire Francis, ça ressemble à des Rothko. Ça lui déplairait, j'imagine. Comment ? Ça lui déplairait. Oui, enfin il en sourirait un peu aussi. Ça dépend comment. Oui, s'il était dans l'intimité de la conversation, oui, il en sourirait. Il sourirait un peu, il verrait que c'est aussi une taquinerie, probablement. Alors ça, toutes ces choses sont justes. Mais là, on a, dans ces crucifixions, à la fois l'aspect théâtral, avec les rotondes, l'aspect théâtral, l'aspect cercle. On voit le prolongement invraisemblable des ombres par des flaques, qui là ne sont pas des flaques, ce sont des mans. Plus tard, ce seront des flaques. Mmh. Et sur le lit, effectivement, de la première session, c'est de 62, on a ce corps démembré, ce corps massacré et qui hurle encore. Et on voit le hurlement, et qui plaisait tant à Bacon tout au long de l'histoire de la peinture. Il a surpris ce hurlement dans bien des tableaux. Il l'a surpris beaucoup dans le film d'Eisenstein, hein, où la nurse hurle. Et il a même peint un tableau sur ce motif aussi, en hommage à Eisenstein. Bon, et c'était au fond sa nurse favorite à lui. C'est la femme qui l'a accompagné si longtemps, tout au long de ses aventures. Donc, il y a tout cela. Ces tableaux, effectivement, ces crucifixions... Pour un homme qui n'était pas religieux... Oui, voilà, quand même, comment faut-il comprendre ce recours, même au terme de crucifixion ? Est-ce ironique, parce qu'on voit ici quelque chose qui ressemble presque à un abattoir comme on visite un abattoir, on voit le corps d'un animal accroché à un crochet, on le voit, mais c'est un homme. Bon, je pense, pour le dire d'un mot, qu'il y a un télescopage magnifique chez Bacon, entre la tragédie, qu'il référait à Eschyle et à Sophocle, bien évidemment, et le Nouveau Testament, où la crucifixion du Christ est attestée. Et dans les deux cas, ce qui l'intéressait, c'était soit le sacrifice d'un homme. Il voyait dans le Christ, au fond, et sa crucifixion, il voyait le martyr de l'homme en tant que tel, de l'homme sui generis, de l'homme tel qu'il est, de l'homme tel qu'il se propose à travers toute l'histoire, qui est là poussé à son comble. Parce qu'en fait, c'était un innocent, bon, qu'on martyrise, évidemment. Donc, et lui, fasciné par les boucheries, par les abattoirs, hein, ça c'est vrai, vous avez bien raison de le dire, c'est très fascinant pour lui. En même temps, il disait toujours que le sang était une couleur splendide, et il aimait que le sang de rouge devienne rosé ou rose, ou dans des beautés inouïes de ton. Ça oui, il a même peint un tableau magnifique sur ce sujet, c'est du sang sur le plancher, où il n'y a rien sauf une tache de sang. C'est un tableau exceptionnel. Donc il y a dans tout cela, le religieux n'est pas en lui. Était-il croyant ? Non, pas du tout. Il est violemment athée d'une certaine façon. Mais, il y a un mais, c'est que sa personnalité prenait à son compte la crucifixion, le Christ, et puis les triptyques venaient de là aussi. L'idée même de triptyque. C'est ça. Bon, c'est le triptyque vient d'où ? D'Eschyle et des grands tableaux qui, au fond, souvent manifestent la vie du Christ ou les choses. Donc, c'était cela. Son origine était la tragédie grecque, les pièces de Shakespeare et finalement les grands morceaux de peinture en triptyque. C'était ça son idée. Et alors, bien sûr, il était aussi plus chrétien entre guillemets. Qu'il ne voulait le laisser entendre. C'est-à-dire, il ne l'était pas, je comprends qu'il y refusait Dieu, bien évidemment, mais il était quand même façonné par une culture où le christianisme était prédominant. Il est obsédé par la chair, visiblement. Et obsédé par la chair. Et par l'incarnation, on pourrait aller sur cette terrain-là. Par l'incarnation même, par la surincarnation. Oui. Et c'est ce voie dans les crucifixions. Je formule le souhait. Le vœu, enfin, qu'il y ait en littérature quelque chose qui soit un tout petit peu l'équivalent de ce qu'est la corne du taureau pour le matador. Qu'il y ait un risque, et qu'il y ait un risque sérieux. Parce qu'il y a une chose qui m'a frappé aussi dans la tauromachie, c'est que les règles strictes de la façon dont le taureau doit être combattu et mis à mort, ces règles sont à la fois des règles techniques et on peut dire des règles stylistiques. Alors qu'il est à Londres en 1969, Francis Bacon peint trois toiles sur le thème de la corrida. Pourquoi ce thème? Eh bien, peut-être qu'une des raisons qui l'a poussé à s'inspirer de ce thème, eh bien, était sa proximité, son amitié avec celui que vous venez d'entendre et qui s'appelle Michel Léris, l'écrivain Michel Léris, qui lui a écrit sur la corrida et qui, dans l'archive que vous venez d'entendre, qui date de 1968, eh bien, affirme l'équivalence en littérature entre ce qu'est la corne du taureau pour le matador et les règles stylistiques à l'œuvre dans la tauromachie. Yves Perret. Oui, tout à fait. Les grandes corridas, les deux grandes et la plus petite de 69, sont au fond, en large mesure, inspirées par la lecture d'un livre de Michel Léris, Miroir de la tauromachie, que Michel Léris lui a donné en 66, alors qu'eux-mêmes sont connus en 65, lors d'une venue de Léris à Londres pour Giacometti. Mais au fond, cette idée de la corrida était en Bacon parce que c'est quand même un des grands moments de sacrifice possible et d'évitement de la mort. C'est la lutte insensée avec de l'homme qui s'expose à la bestialité la plus excitée, parce qu'on excite tout de même le taureau, hein, et le torero l'excite beaucoup, il le surexcite en fait. Et cette peinture, au fond, correspond au tréfonds de Bacon, à quelque chose qu'il a lui-même vu en Espagne. Hein, lorsqu'il allait à Tanger, il voyait en Espagne les corridas, il en a vu. Donc, mais probablement, son amitié, son admiration pour Léris l'ont amené à approfondir. Et moi, je considère que les trois corridas de 69 sont en quelque sorte le pendant soit des deux portraits de Léris que Bacon a tenté, qui sont magnifiques, surtout l'un d'entre eux est magnifique, et même des deux insertions de Bacon dans des triptyques qui sont assez complexes, où il rend aussi hommage, je dois dire, à Conrad et à Eschyle. Mais tout cela est finalement dans la dépendance de Léris. Léris avait voulu voir la tauromachie bien plus qu'un geste sportif et bien plus qu'une mise à mort. Il avait voulu voir une sorte de défi qui supposait tous les styles possibles et toute l'expression de l'homme se concentrait. Il faut savoir aussi une autre chose, c'est que sur le tard, Bacon, en 87, a peint un tableau inverse. Alors que là, on est dans un cercle parfait, avec une foule en miroir, qui n'est qu'en miroir, qui est donc leurrante, qui est une hypothèse, la foule, pas plus que ça, la foule de la tauromachie. En 87, il va peindre un tableau, cette fois non pas inspiré par Léris, bien qu'il ait dû y songer, mais par Garcia Lorca, qui est la mort du torero. Et cette fois, dans ce triptyque, on voit la blessure terrible du torero, et la victoire au fond du taureau, c'est-à-dire l'inverse des corridas que nous voyons en 69, et c'est les deux possibles. C'est pas le même qui meurt toujours, ça peut être le torero. Mais c'est un face-à-face avec la bestialité dont on parlait en début d'émission et que pointait Bataille dans son essai sur l'érotisme. Tout à fait. Ici, c'est l'homme face à la bête, c'est l'homme qui se veut le plus civilisé possible, face à la bête la plus abétie, puisque vous le dites, vous l'avez bien dit, excitée mis dans un état d'abrutissement. Mais l'homme qui danse, parce que le torero danse, fait danser la bête. Et tout le jeu, c'est ce que Léris dit, Michel dit ça très bien, la corne du taureau doit être évitée. Et c'est ce qui se passe dans les corridas de 69, et c'est ce qui ne se passe pas dans la mort du taureau de 87, où là, le torero est encorné par la bête fougueuse. Donc, il y a là quelque chose qui, chez Bacon, a travaillé sur, comme vous le voyez, 20 ans, suite à la lecture, au fond, en grande partie, de Léris. Mais c'est aussi l'importance qu'il accorde à l'accident. On n'a pas encore prononcé ce terme. D'ailleurs, on va l'écouter. On a une archive de 30 secondes de Bacon qui explique comment il fonctionne par accident lorsqu'il peint. Je vais parler de ça. J'attaque la toile directement avec les pinceaux et je ne fais pas jamais les dessins. Vous savez, comme dans ma peinture, c'est ce qu'on appelle l'accident. Si je commençais à faire les dessins avant sur la toile, ça ne marcherait pas, je ne crois pas. Parce que vous savez, l'accident arrive en essayant de faire quelque chose plus loin qu'on peut voir dans le dessin. C'est presque une métaphore ici, hein, Yves Perret. La corne qui pénètre la cuisse du torero danseur, eh bien, c'est presque le pinceau sur la toile qui prend le risque, et surtout chez Bacon, de produire une violence inouïe. Oui, et ce terme d'accident qu'il emploie, qu'il aimait tant, c'est vrai. C'est-à-dire, c'est... Bacon adorait le jeu. Ce qui l'intéressait, c'est l'apport du hasard. Et c'est la maîtrise aussi du hasard. Et quelquefois, ce qu'il tente dans ses tableaux, c'est proprement l'inconnu du tableau. Il ne dit lui-même pas de dessin, ce qui est faux, il faisait des dessins parfois, mais ça c'est encore autre chose. Mais pas de dessin préalable, c'est vrai. Et une simple esquisse, vague, et appelée à être démolie, et quand il se lance, ce qui se présente immédiatement dans son tableau, ça le satisfait sans le satisfaire. Il va aller très au-delà. Comme je vous ai dit tout à l'heure, pousser trop loin. Oui, on retrouve l'excès, oui. Trop loin, toujours. Et là, ce qu'il fait, c'est qu'il brutalise sa toile pour y découvrir l'inconnu de la toile elle-même, de ce qu'il est en train de produire. Une des caractéristiques les plus fortes auxquelles je songe, c'est un tableau qu'il ne satisfaisait pas, qui était fait, qui était beau, mais qui n'allait pas. Et Bacon a ramassé dans sa poignée un magma de peinture. Et comme un lanceur, il l'a lancé avec une violence inouïe sur la toile où il s'est écrasé et où l'a explosé, ce magma. Et Bacon a retouché et il a trouvé que c'était parfait. Il a retouché quand même, attention. Mais l'accident, c'est cela. C'est ce qui est imprévisible. Oui, mais là, sauf que là, il le fait. Là, là, c'est délibéré quand il jette la peinture sur la toile. C'est pas un accident, c'est pas, il renverse pas son pot. Il crée l'accident, si. En lançant, il laisse la part au hasard. Parce que le jet dont je parle peut être excellent, mais peut aussi défigurer complètement le tableau, et le tableau peut être à découper. Ça, c'est le risque maximal. Bacon, ce qu'il aimait faire, et c'est ce qui est parfois étonnant, tant ses tableaux sont ceux d'un virtuose et d'un type qui maîtrise la technique de la peinture, c'est qu'il est surprenant, et qu'il aime à se surprendre lui-même. Quand il parlait de choqué tout à l'heure, c'était ça, c'est la surprise. La surprise au sens le plus fort, bien sûr. La stupéfaction face à ce qu'on a fait soi-même. Ce n'est pourtant pas le peintre qui vient en premier lorsqu'on pense au peintre qui peigne justement par accident en laissant une grande part au hasard. Ce n'est pas Jackson Pollock qui va essayer de répandre de la peinture au gré des mouvements du seau au bout d'une ficelle, par exemple. Ce n'est pas... Il y a un sens de la composition, de la figuration. Il y a un sens même extrême de la composition. Ben oui. Non, ce n'est pas du tout au sens où on pourrait prendre Pollock. C'est moins l'accident qui est voulu que, disons, l'aléatoire. Oui, c'est ça, parce que c'est délibéré aléatoire. Même dans le cas de Pollock, en fait. Alors, simplement, Bacon, ce qu'il tente, c'est une surprise violente, qui est celle, par exemple, d'une intrusion du hasard dans quelque chose qui est très composé. Alors que chez Pollock, au fond, on laisse le hasard à lui-même. Enfin, pas tout à fait. C'est pas tout à fait vrai. Parce qu'on maîtrise aussi. Il y a peu de peintres en réalité qui laissent le hasard non, à lui-même. Non, il n'y en a même pas. Oui, c'est ça. En quoi était-il le plus excessif, Yves Perret? Ce serait la dernière question. En quoi était-il le plus excessif? Alors, pas tellement l'homme, c'est vrai que je le formule comme si c'était l'homme qui m'intéressait, mais plutôt dans l'œuvre. Qu'est-ce qu'il y a de plus excessif dans l'œuvre de Francis Bacon? Ce qu'il y a de plus excessif, c'est son propos. Quelqu'un qui n'a jamais suivi un cours d'art. Jamais. Jamais. Il était autodidacte. Autodidacte complet. Aussi bien en tout, mais en peinture aussi. Il n'a jamais été dans une école d'art. Il n'a jamais suivi un cours. Certes, Roy de Maistre, à ses débuts, et quelques autres, l'ont aidé à être lui-même. Mais il s'est formé lui-même. Ça, c'est une chose extrêmement curieuse. Et en même temps, il y a cette maîtrise absolue comme s'il avait été enseigné au-delà du raisonnable. Et c'est lui-même qui s'est enseigné comme ça. Ce qui est frappant chez Bacon, peut-être le plus étrange, c'est l'extraordinaire discipline qui se donne pour laisser surgir quelque chose qui l'excède, qui excède même toute cette discipline. C'est-à-dire que c'est une discipline, il y a quelque chose de corseté,